Je vais zoomer, je vais goumer ces petits trains, je veux peser Range Rover, HSE, je veux bicrave. Shooter le prochain qui m'appelle petit frère qui s'écrase et sort mon cash. Je veux pas faire ma place, moi je veux que la place porte mon blast. Un prophète de l'insolence, je vais leur apprendre la violence. Foutre ma mère quand la haine se termine, que les ennuis commencent. Faire couler sang dès le départ, t'inquiète c'est moi qui démarre. Je déterre, hardcore et je vais faire feu sur tous ces fils de pute. Je viens précipiter leur chute, je crois qu'ils ont pas faim, eux sont plus discrets. Crée qu'un millionnaire avec un Samsung A20E. J'poserai mes coups sur le terrain, tu pourras rien y faire. Gars sans perte, ma liberté, les deux mains dans la merde. J'arrache le monde, ego avec mes chicots, ta sacoche. Que des gros gifs, mes grosses griffes pour prendre mon bif dans ta poche. J'vais faire un Tony Carnage, un Zé Pequeno bordel. La haisse, la vida loca, c'est juste une histoire de grammage. Un terrain plein de morts vivants défoncés, poche vie. Si t'es carter, Auschwitz. Personne va tomber d'accord tant que j'aurai pas sorti le brolique. J'irai à confesse pour presser mon destin sous presse hydraulique. Guitter, en finir dans le fréquence. Vraie douce, viscère pesée, claquée dans la grey goose. Cacher la foudre dans la poudreuse pour finir hors piste. On n'est jamais mieux servi que par son gros 6. J'prends les lobes, j'vois les souvenirs en pagaille. Audi RS, jante noire, un peu sous, on charge le tag à hiver. On pas venir mon calibre, caché derrière des vides teintées. J'ai la santé, quand j'vais remonter, j'vais enculer la terre. De plus en plus d'ennemis, pour piquer en gros en paix. Caractère bien trempé d'un plan A, on baisse ton plan B. On peut pas se ressembler, il doit du bif, on doit le faire trembler. RDV avec la lune, on regarde le soleil flambé. J'entends les villes, c'est sur les dos qui chiquent. À la bonne. On passe du gramme au Loki, du Loki à la donne. Mon caractère de cochon, j'ai trop crié sur mes rejetons. Je leur fais confiance à 100%, je sais qu'il manquera aucun projeton. J'ai acheté des appartements, aujourd'hui j'achète des manoirs. Je vis plus n'importe comment, mais chelou, j'ai toujours les mêmes modes. V'là les poteaux au dépôt, j'ai les condés sur les coups. Ils pourront tous les sonder, ils ont rien fondé sur mes faux. Un mètre c'est juste trois plots avec trois plots t'es refait. Ces saloperies veulent ma peau depuis que j'empile les trophées. Un coup de fil anonyme, j'ai fini par me faire coffrer. La bi gravée dans ma tête et dans celle de mes refrains. J'ai visé, j'ai zoomé, j'ai goumé ces petites raves, j'ai pesé Range Rover, HSE, j'ai bicrave. J'vois plus ces putes qui m'appelaient petit frère. Des piges après, j'sors de ma case. J'ai perdu ma place et la place porte toujours pas à mon blaze. J'suis dehors, faut que j'me relance. J'connais le tarot de la violence. De l'autre côté des barreaux, j'suis le même sans l'oseille, l'insolence. Joue cash, perd cash avec le diable, tu peux négocier. Et la laine de ta femme sans le zgeg de ton associé. Maintenant les fusils d'assaut ont tous l'accent russe. Je compte les vrais amis qui me restent sur les doigts de pied d'Oscar Pistorius. Passer du kilo à la tonne, de la tôle au chantier. Mon mode de vie, j'entends ces PD de rappeurs le chanter. J'raque pour mes fautes, c'est le karma, j'ai tiré le sale numéro. J'ai enfanté autant de putains de zombies que George Romero. Dans un De Palma, j'vis big up Oscar, fais s'incarcérer. Y'a plus que des bébés criminels, des jeunes cachettes, des crocs acérés. Y'a ceux qui vendent ce cachette, tu survis, t'as la carrure. Le cours de la drogue a pas chuté, même à la mort de la rue. Parachuté dans le réel, la vie d'un voyou rangé. Un taf, un gosse pour qui je suis qu'un connard d'étranger. C'est loin des plaquettes, les fours, la frontière espagnole. Les tapins qui dansent sur ma braguette quand la sirène des stars miaule. Je stresse, je les vois s'engraisser, ça pousse à sortir de la retraite. J'essaie de pas chuter, mais la bicrave est dans ma tête. Frère,